Il y a des choses qu'on oublie à quoi, comme les potes et les premiers contacts. Premier contact. Trop précoce, trop féroce, peu à peu les choses se corsent. Moi voilà ce que je te propose, tu te poses, on cause 5 minutes, on discute. On parle de rap et de cette vie qui te gâte. Tiens écoute ce son, l'émotion, puis tu m'en donnes tes conclusions. Piston, c'est manuqué sur l'instru, tu m'as reconnu. Flotté, tenu, soutenu par toute une jeunesse dans la rue. Laisse-moi flow, je ramène le hardcore slow. Je mets ça au top, c'est mal. Don't check mon style. Laisse mon flow. Vas-y, ramène le hardcore slow. Vas-y, mets ça au top, c'est mal. Don't check mon style. Ego tripping. Ramène le son qui swing. Paraît qu'en freestyle je kill. Donc j'y vais, je fonce dans le mille. MC dans ma ligne de mire. Quand il s'agit de punir, balance deux ou trois pas, jamais de sourire. Laisse-moi flow. Opération Cafri Mafioso. S-O-L-O. Question de feeling, mon gros. Une fois de plus, histoire de faire monter le niveau. C'est chaud. Laisse-moi flow. Vas-y, ramène le hardcore slow. Vas-y, je mets ça au top, c'est mal. Don't check ton style. Je débarque de mon quartier naze, relax, main dans les poches. Direction la capitale, pff, mon dieu c'est moche. Voilà du son fat pour les caisses et les squats. Une fois de plus, je mets ça au top, bien légal. Official, check mon style, pas couchal. Après tant d'années, tant d'efforts, je kick ça fort. Je ramène le son hardcore, encore et encore. Ma vision du décor, une jeunesse folle et des flics forts. Deux minutes mon QG, je veux voir des bondes à bouger. OMIC c'est danger, il faut même pas y songer. Car nous sommes protégés par toute une bande d'étrangers. Pam, pam, pam. Car je suis un vainqueur, déclare jamais vaincu. Or l'issue de mon secteur, c'est que du vrai, du vécu. Undercover, et si du rap j'étais le sauveur. Mafia qu'un free, tout le monde pense qu'on est les meilleurs. Information, prends garde à ma formation. Situation critique, authentique, tu connais la suite. Champagne, grosse gauve, en vidéoclip, c'est pas mon trip. Je ramène juste un putain de flow qui excite. C'était Manu K en solo, MK, donc laisse solo, no. Laisse-moi flow. Je ramène le hardcore slow. Vas-y, je mets ça au top, c'est mal. Don't check mon style. Laisse-moi flow. Vas-y, je ramène le hardcore slow. Vas-y, je mets ça au top, c'est mal. Don't check mon style. Don't laisse-moi flow. Vas-y, je ramène le hardcore slow. Vas-y, je mets ça au top, c'est mal. Don't check mon style. Laisse-moi flow. Vas-y, je ramène le hardcore slow. Vas-y, je mets ça au top, c'est mal. Don't check mon style. Ouais, laisse-moi flow. Vas-y, je ramène le hardcore slow. Vas-y, je mets ça au top, c'est mal. Don't check mon style. Check mon style.